petite Lolotte n'a qu'un défaut, comme toutes les femmes, vraiment comme il faut. 20 fois par jour pour qu'elle se mette un peu de sucre sur la gaufrette. Comme son petit voisin Zizi, un garçon très gentil, en chemin lui a pris 2-3 bisettes d'aide en grimpant son escalier, afin de conserver l'air de ne pas y toucher. Elle prend ça au petit rond douce, elle secoue la main comme ça. Puis, se tape au plein frigousse, avec sa houppe et youp, en disant comme ça. Et youp, on ne se verra pas. Et youp, ça ira très bien. Et youp, on n'y verra rien. Mais l'imprudente, elle a pris goût à ce petit jeu qui lui plaît beaucoup. Et chez Zizi, que va-t-elle faire? Oh, ça, je n'en sais rien, ça, c'est son affaire. Mais, sacrée fourbie d'amour, elle s'aperçoit un jour. Sa taille augmente tout. Aïe, aïe, aïe, ma mère, mère, mère. Comme elle est distinguée et qu'on pourrait jarder pour ne pas se faire remarquer. Elle prend sa soupe douce, elle secoue la main comme ça. Puis se tape au plat fribousse avec sa houppe et youp en disant comme ça. Et youp, ça ne se verra pas. Et youp, ça ira très bien. Et youp, on n'y verra rien. Et quand son père un jour l'a su, ah, qu'est-ce qu'il a pu faire comme raffut? En prenant le fond de sa culotte, par la fenêtre, il jeta Lolotte. Elle passe aux 2-3 taxis, 12 autobus aussi. Ah, ces pauvres abattis, c'est de la composte faute, mais devant 3000 badauds, en frottant le bas du dos, pour rester comme il faut. Elle prend sa poupée douce, elle secoue la main comme ça. Puis, se tape au plat frimousse, avec sa houppe et youp, en disant comme ça. Et youp, ça ne se verra pas. Et youp,